France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Lance Armstrong, le héros déchu. Il y a quelques semaines, comme chaque année au mois de juillet sur les Hautes Françaises, plus de 150 coureurs s'est lancé à l'assaut de cette course mythique et légendaire qu'est le Tour de France, la compétition cycliste la plus importante au monde. Comme chaque année, des millions de spectateurs se sont réunis au bord des routes, dans les virages et le long de ses côtes pour encourager les cyclistes au bout de leurs efforts surhumains. Malheureusement, cette année, comme chaque année, le doute s'est installé après la démonstration de force du vainqueur Christopher Froome. Face à la facilité déconcertante avec laquelle le coureur britannique a écrasé la concurrence, de nombreux observateurs ont cru retomber 10 ans en arrière. Au début des années 2000, à l'époque de l'écrasante domination de Lance Armstrong, le champion américain. Septuple vainqueur de l'épreuve, il a fini par avouer en 2013 s'être dopé tout au long de ses victoires. 7 victoires. Cet dopage, ce qui constitue l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Comment le coureur américain a-t-il pu berner tout le monde pendant toutes ces années? Que nous dit cette histoire sur le fléau du dopage dans le sport de haut niveau? Que révèle-t-elle des instances dirigeantes et de la corruption qui semble gangréner le sport en général, le cyclisme en particulier? En seconde partie d'émission, nous recevons Pierre Ballester, journaliste sportif français, notamment à l'équipe jusqu'en 2001. Avec son collègue britannique David Walsh, il est l'un des premiers à avoir enquêté sur le système Lance Armstrong dans son livre intitulé « Hayley Confidential, les secrets de Lance Armstrong ». Il a également publié un ouvrage aux éditions du Point, fin de cycle, autopsie d'un système corrompu. Nous entendrons également un reportage de Gellor Van Wimersch au cœur d'une course cycliste amateur. Vous le verrez, les soupçons de dopage ne sont pas absents non plus. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui, Mehdi Fatah, Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Commençons par la question que tout le monde se pose, et pour le moment, je veux juste que vous me répondiez par oui ou non. Prenez votre temps pour me répondre avec les détails. Oui ou non, avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances? Oui ou non, avez-vous pris de l'OPO? Avez-vous utilisé du dopage sanguin ou des transfusions sanguines pour améliorer vos performances? Avez-vous utilisé d'autres produits dopants, comme la testostérone, la cortisone ou les hormones de croissance? Oui ou non, avez-vous pris des produits interdits, du dopage sanguin, lors de chacune de vos 7 victoires dans le Tour de France? À votre avis, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans vous doper 7 fois d'affilée? Not in my opinion. Jeudi 17 janvier 2013, Austin, Texas. Ça y est, enfin. Dans un salon feutré de l'hôtel des 4 saisons, devant des millions de téléspectateurs, face à Oprah Winfrey, la papesse du talk show américain, Lance Armstrong avoue. Pour la première fois, il reconnaît publiquement avoir eu recours au dopage lors de ses 7 victoires dans le Tour de France. Le champion met fin à 14 ans de mensonges et il le fait avec le même aplomb, le même contrôle que lorsqu'il était sur son vélo. Mais en fait, c'est une façade. En réalité, il est acculé. 4 mois auparavant, en effet, l'USADA, l'agence américaine antidopage, publie un rapport accablant sur le système de dopage mis en place par le coureur américain et son équipe au début des années 2000. Et voilà cette fabuleuse histoire, typiquement américaine, si vertueuse, rendez-vous compte, celle d'un rescapé du cancer passé tout près de la mort, qui remporte 7 fois de suite la compétition sportive la plus exigeante au monde, qui s'effondre. Pendant toutes ces années, Lance Armstrong a joué un double jeu. Il n'était pas le boss du peloton, mais il était son parrain. À la tête d'un système parfaitement organisé, au cœur d'une mafia tout entière dirigée vers son succès. Le 17 janvier 2013, les aveux de Lance Armstrong laissent un goût amer. Pour les passionnés et les journalistes, cette interview pose plus de questions finalement qu'elle n'apporte de réponses. La principale, comment le mensonge Lance Armstrong a-t-il pu tenir pendant 14 ans? Or, sur ce point, Armstrong ne dit rien. Et qu'en est-il de ses coéquipiers, de ses médecins, de ses avocats, de ses soutiens financiers, des sponsors, des instances qui ont couvert le système? Pourquoi n'ont-ils rien dit? L'explication est aussi simple que limpide, elle tient en un mot, l'argent. Alors remontons le fil de cet incroyable mensonge. Une décennie pendant laquelle le nom d'Armstrong est devenu non plus celui d'un champion hors norme, mais d'un système corrompu, terrible symbole d'un sport à la dérive. Tout commence 20 ans plus tôt, un jour de l'année 93. France Inter. Il a 21 ans, c'est sa première saison professionnelle et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Lance Armstrong est le nouveau champion du monde cycliste et le deuxième américain à remporter le titre après Greg LeMond. Hier à Oslo, il a devancé Miguel Indurain d'une vingtaine de secondes. Oslo, 29 août 93, la nouvelle fait sensation. Lance Armstrong devient effectivement à 21 ans l'un des plus jeunes champions du monde sur route de l'histoire. Quelques semaines auparavant, il venait de remporter sa première étape sur le Tour de France. Un tour où il s'est distingué, plus jeune concurrent de l'édition, vêtu du maillot étoilé du champion des États-Unis. Très vendeur, tout ça. Et puis ce nom que l'on retient, Armstrong, comme le musicien ou l'astronaute. Pourtant, le jeune Texan s'est mis tardivement au vélo. Il a d'abord commencé par le triathlon, où ses capacités physiques impressionnaient. Il remporte de nombreuses courses et commence à gagner de l'argent. Une aubaine pour ce garçon issu d'un milieu modeste. Repéré par les entraîneurs nationaux d'un cyclisme américain en plein développement, il intègre les équipes de jeunes jusqu'à devenir professionnel au sein de l'équipe Motorola. Après une première saison 93 très réussie, il explose véritablement en 95 et 96 où il remporte de nouveau une étape sur le Tour de France. Il a inscrit son nom au palmarès de deux classiques, Saint-Sébastien en 95 et la Flèche Wallonne l'année suivante. Tout roule donc pour le jeune champion américain. Pour la prochaine saison, il signe même dans une équipe européenne, Cofidis, qui affiche de hautes ambitions. Mais le 13 octobre 1996, une conférence de presse est organisée. Lance Armstrong se présente face aux journalistes, le visage marqué. Quelques jours auparavant, on lui a diagnostiqué un cancer des testicules. On m'a dit de retourner immédiatement chez le médecin. J'ai pensé. Oh mon Dieu. Ensuite, je suis allé dans son bureau. Il m'a montré le scanner et m'a dit : on a un problème. Bien sûr, moi, je ne voulais pas y croire. Parce que j'ai 25 ans, je suis l'un des meilleurs dans mon sport. Pourquoi aurais-je un cancer? Les docteurs m'ont dit que je pouvais continuer l'entraînement tant que je m'en sentirais capable. Il y a 6 heures encore, j'étais comme vous. Mais ce truc ne va pas m'arrêter. Et même chauve et moins rapide, je vais remonter à vélo. Armstrong a tardé, le cancer s'est généralisé, les poumons et le cerveau sont touchés. Les médecins lui annoncent qu'il a peu de chances de s'en sortir. Mais il s'accroche, il est opéré avec succès et entame une chimiothérapie. Contre toute attente, en janvier 1997, les médecins le déclarent guéri. Armstrong est donc décidé à reprendre la compétition. Et il l'annonce officiellement en octobre 1997, un an seulement après avoir appris sa maladie. C'est Bill Stapleton, son agent, qui organise le retour du champion. Il convainc le financeur de l'équipe américaine US Postal, Tom Wiesel, d'engager Lance Armstrong et de construire l'équipe autour de lui. Dans le cadre de son retour à la compétition, le cycliste américain retourne voir un homme pour le moins controversé. Un homme avec qui il avait commencé à travailler quelques années avant sa maladie. Cet individu répond au nom de Michele Ferrari. Ce médecin du sport italien est un mystère. Il donne peu d'interviews. Il n'est jamais présent sur les courses. Pourtant, sa réputation dépasse la frontière italienne. Les coureurs qui travaillent avec lui depuis le début des années 90 font des progrès remarquables. C'est une époque qui fait entrer le vélo dans une nouvelle ère, celle de l'EPO, l'érythropoïétine, un nouveau produit dopant qui a totalement changé les rapports de force au sein du peloton. Autant dire que de nombreux soupçons planent autour du sulfureux médecin. En 1998, Lance Armstrong reprend petit à petit la compétition. Son grand retour est fixé au Tour de France 1999. 32 secondes, oh, l'attaque d'Armstrong. Attaque d'Armstrong, ça c'est fort. Alors ça c'est fort. Richard Viron devrait y aller, s'il pouvait y aller. Bon, il va laisser Contreras y aller. Oula, il est très fort, Armstrong, il est très fort. Quelle belle page du tour, là. Armstrong qui s'en va à la poursuite des deux échappés. Lance Armstrong a fait un numéro exceptionnel, là. Quand on pense à ce qu'a traversé Lance Armstrong comme épreuve ces dernières années, ce qui se passe aujourd'hui est vraiment impressionnant. Voilà, il passe au sommet. Et là-bas, au fond, c'est l'arrivée. Il souffrait d'un cancer il y a 2 ans en chimiothérapie. Et aujourd'hui, il remporte la grande étape de montagne des Alpes. 13 juillet 99, Sestrière, Italie. Après une semaine de compétition, Lance Armstrong, vêtu du maillot jaune, écrase le Tour de France. Ce jour-là, dans la salle de presse, deux camps se dessinent toutefois. Le premier qui ne cache pas son admiration face à ce qui vient de se passer dans l'ascension du col mythique. Le second qui, lui, se montre plus sceptique. Avant sa maladie, Lance Armstrong avait montré qu'il était un bon cycliste, certes, capable de remporter des classiques d'un jour ou de réaliser un exploit sur l'une des étapes des grandes boucles, italienne ou espagnole, Giro, Vuelta. Mais de là à gagner le Tour de France. Le coureur est arrivé en forme sur ce tour, c'est vrai. Après son cancer, il a adapté sa technique et ses entraînements à sa nouvelle physionomie. Il s'est amélioré en contre-la-montre et en montagne. Mais alors qu'il réussisse à semer comme ça ses rivaux 2 ans à peine après sa guérison, c'est quand même un peu curieux. Enfin, pas pour les organisateurs du Tour de France, ni les dirigeants de l'Union Cycliste Internationale qui, eux, se posent moins de questions. Et pour cause, quelle aubaine! 1 an après la terrible affaire Festina, l'édition 99 doit être celle du renouveau. Et voilà qu'un rescapé du cancer prend la tête de la course. Un Américain, qui plus est, excellent, tout ça pour le renouveau. Et l'UCI se frotte les mains, elle qui veut internationaliser le cyclisme à tout prix. Lance Armstrong s'annonce comme la porte d'entrée idéale pour conquérir le marché outre-Atlantique. Oui, mais voilà. Le 20 juillet 1999, une semaine après son exploit de Sestrière, le monde fait sa une sur Lance Armstrong. En matière de dopage, Lance Armstrong n'a rien à cacher. Depuis le début du tour, l'Américain a été contrôlé à 10 reprises. Officiellement, tous les résultats sont négatifs. Mais selon Le Monde, paru aujourd'hui, des traces de corticoïdes ont été décelées lors du contrôle antidopage effectué à l'issue de la première étape. Vous confirmez que vous n'avez pas pris de médicaments depuis 1996? C'est la vérité. Vous n'avez pas pris de corticoïdes non plus durant cette période? Je vous le répète, c'est la première fois que j'en entends parler. Lance Armstrong et son équipe justifient la présence de corticoïdes dans l'un des tests par l'utilisation d'une pommade contre les irritations. Voilà, pas de quoi fouetter un chat. Quelques jours plus tard, l'UCI, par l'intermédiaire de son président, Hein Verbruggen, soutient le coureur américain. Oui, ils ont bien reçu un certificat médical pour l'usage de cette crème. Donc, Lance Armstrong n'est plus inquiété. Au sein du peloton, toutefois, on s'interroge. Un coureur français, Christophe Basson, qui se présente comme un coureur propre, publie une chronique quotidienne dans Le Parisien. Un journaliste sportif, un vrai, ou plutôt un sportif journaliste, qui répète au fil de ses papiers à quel point le peloton roule vite, trop vite pour ne marcher qu'à l'eau claire. Évidemment, cette attitude n'est pas du goût des autres coureurs qui lui font sentir. Christophe Basson est de plus en plus isolé au sein du peloton. Sur une étape, Lance Armstrong lui-même n'hésite pas à venir lui dire que ses déclarations dérangent. Quelques jours plus tard, face à la pression, Christophe Basson quitte le Tour de France. La grande boucle s'est trouvée un nouveau patron. Le boss est né. 1999 marque le premier sacre d'une longue série. Attaque de Lance Armstrong qui vient de lâcher, peut-être inémédiablement, Jan Ullrich, et Armstrong s'enfuit dans l'Alpe d'Huez. Regardez, il se retourne, il regarde derrière les lunettes Jan Ullrich et il va partir, il va accélérer, personne ne peut le suivre. Oh là là, oh là là, la chute de Melocchi juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain, c'est une image insensée, c'est de la folie, il se jette sur son vélo à nouveau. Alors que devant, Roberto Heras et Lance Armstrong mènent le groupe. Armstrong, sa partie de poker menteur. Armstrong va décrocher la lune en haut du Mont Ventoux. Lance Armstrong, il attend pour monter sur le podium pour son 4e succès d'affilée à Paris. Lance Armstrong, le champion américain. Il aura 31 ans le 18 septembre prochain. Et il a triomphé encore une fois. From out of the darkness of near death himself, American Lance Armstrong has almost single-handedly saved the reputation of the Tour de France. Chaque année, l'équipe US Postal débarque sur le Tour avec à sa tête Johan Brunel, le directeur sportif proche d'Armstrong. Ensemble, ils déploient une stratégie qui se répète, quitte à tuer le suspense. Lance Armstrong prend la tête de la course sur le contre-la-montre et écrase la concurrence dès les premières étapes de montagne. Dans celle-ci, il est toujours aidé par ses fidèles lieutenants, Frankie Andre, Tudor Hamilton, Kevin Livingston, Levi Leppenheimer, Roberto Eras, Floyd Landis. Une fois en tête, le wagon bleu du train Armstrong contrôle la course jusqu'aux Champs-Élysées. Circulez. Mais chaque année reviennent aussi les soupçons de dopage. En 2000, une équipe de télévision de France 3 filme les médecins de l'US Postal en train de jeter des déchets médicaux dans les poubelles d'une aire d'autoroute éloignée de leur hôtel. Ils y retrouvent des boîtes d'Actovégin, un produit dopant à base de sang de veau. En 2001, sur le Tour de Suisse, prélude au Tour de France, les échantillons de Lance Armstrong révèlent les traces d'EPO. Mais l'UCI estime que le résultat n'est pas assez probant pour sanctionner le coureur américain. La même année s'ouvre le procès de Michele Ferrari, jugé dans le cadre d'une affaire de dopage, justement. Le Sunday Times révèle l'étroite collaboration entre le dottore italien et le champion américain. En 2004, le livre de David Walsh et Pierre Ballester, deux journalistes qui enquêtent depuis plusieurs années sur le cyclisme, recueille le témoignage d'Emma O'Reilly, l'ancienne masseuse de l'équipe US Postal, qui affirme que le champion se dope. Et pourtant, d'injonction en injection, Lance Armstrong ne se démonte pas. De toute façon, il n'a jamais été contrôlé positif. Alors, et puis, comment imaginer qu'il prenne le risque de se doper, hein, alors qu'il est passé si près de la mort? En réponse, il se montre offensif sur le plan judiciaire avec son armada d'avocats. Il faut dire que le nouveau héros américain se constitue au fil de ses victoires un empire colossal. Pour le Tour de France, il booste les audiences. Il vient sur la grande boucle accompagné de ses amis du showbiz, Robin Williams, Arnold Schwarzenegger, Ben Stiller. George Bush, le président américain de l'époque, texan comme lui, accroche l'un de ses vélos à la Maison Blanche. Nike, son principal sponsor, le soutient coûte que coûte face aux attaques. Sa fondation contre le cancer connaît un succès phénoménal. Plus de 70 millions de personnes portent bientôt un petit bracelet jaune signé Livestrong en partenariat avec Nike. Armstrong est une industrie à lui tout seul. En 2005, il achève sa légende par une 7e victoire consécutive sur le Tour de France. Tout en haut du podium, sur les Champs-Élysées, il prend la parole. Un discours qui dit toute l'ambiguïté d'Armstrong. Un champion hors norme, toujours soupçonné. À tous les sceptiques, je suis désolé pour vous que vous ne puissiez pas rêver, pas croire au miracle. Je suis un fan du Tour de France depuis toujours, il n'y a pas de secret. C'est une épreuve très dure et j'ai travaillé dur pour y arriver. Vive le Tour, forever. Alors, trop fort pour être attaqué? Qu'à cela ne tienne, Lance Armstrong prend sa retraite au sommet de sa gloire. C'est sans doute ce qu'il pense, sauf que dans l'ombre, les journalistes s'activent. La légende Armstrong est en passe de s'écrouler. Instantané. 23 août 2005, Paris. Un mois après la 7e et dernière victoire de Lance Armstrong sur le Tour de France, le journal L'Équipe titre « Le mensonge Armstrong ». Damien Ressiot, journaliste du quotidien sportif, tient un scoop. Voilà plusieurs mois qu'il enquête sur une curieuse analyse du laboratoire antidopage national de Châtenay-Malabry. Les chercheurs ont découvert que 6 échantillons d'urine prélevés lors du Tour de France de 99 ont été contrôlés positifs à l'EPO. Problème, les échantillons sont anonymes, seul y figure un numéro d'immatriculation. Par intuition, Damien Ressiot se tourne vers Lance Armstrong. Mais l'Américain réfute toute consommation de substances illicites. Bien. Le journaliste lui demande de prouver son affirmation. Alors, le coureur l'autorise à consulter son dossier médical au siège de l'UCI. Bingo. Damien Ressiot sait que le dossier médical de Lance Armstrong contient son numéro d'immatriculation. Et comme le journaliste s'en doutait, c'est bien celui de Armstrong qui apparaît à 6 reprises sur les échantillons de 1999. La publication de L'Équipe provoque une tempête médiatique. Lance Armstrong qualifie le journal de tabloïd, de presse sordide. Il accuse le laboratoire français d'avoir trafiqué ces échantillons. La presse américaine prend la défense de son champion national et se déchaîne sur ses homologues français. Malgré tout, auprès des instances cyclistes, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le directeur du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, qui a soutenu le coureur américain pendant toutes ces années, tombe des nues. Accablant, évidemment, accablant pour Lance Armstrong, et au fond, accablant pour le cyclisme en général. Je ne criais pas avec les loups, si vous voulez, jusque-là. Force est bien de constater qu'aujourd'hui, et je répète, pour 99, il y a quelque chose qui est ébréché chez moi, comme chez beaucoup d'autres. Un mois seulement après sa retraite, le mythe Armstrong commence à s'effriter, et pour cause, il est attaqué sur plusieurs fronts à la fois. Quelques mois après l'article de L'Équipe, s'ouvre le procès qui oppose Lance Armstrong à une compagnie d'assurance, SCA Promotion. Il se trouve qu'après sa victoire de 2004, la société avait refusé de verser les 5 millions de dollars qu'elle devait au champion car elle le soupçonnait de dopage, précisément, et elle estimait à juste titre avoir été flouée par le contrat établi avec le coureur. Au cours de ce procès, deux témoignages, ceux de Frankie et Betsy Andreu, l'ancien lieutenant d'Armstrong et sa femme, font vaciller le patron. L'événement remonte au 27 octobre 1996, au lendemain de l'opération chirurgicale du coureur. Le couple Andreu est avec d'autres personnes dans la chambre de son ami. Deux médecins entrent dans la pièce et interrogent Armstrong. Au milieu des questions usuelles, il lui demande s'il lui est arrivé de prendre des produits dopants. Et là, sans sourciller, le coureur américain énumère. EPO, testostérone, hormones de croissance, cortisone, stéroïdes, tout y passe. Le témoignage des époux Andreu confirme que Lance Armstrong se dopait avant son cancer. Cette révélation met tout le mythe en péril. Pourtant, au cours du procès, Lance Armstrong réfute les accusations. Il nie s'être déjà dopé. Ses avocats font témoigner d'autres personnes qui remettent en cause la version de Frankie Betsy Andreu. Le camp Armstrong remporte le procès contre la société d'assurance. Après avoir gagné sur la route, Lance Armstrong continue d'accumuler les victoires sur le terrain judiciaire, oui, mais jusqu'à quand ? 2006, c'est aussi l'année du premier Tour de France sans Lance Armstrong. Le patron est parti, la course est ouverte, il était temps. L'un des favoris n'est autre que son ancien lieutenant, un excellent coureur d'ailleurs, Floyd Landis. Le scénario de cette édition, orpheline du Texan, est exceptionnel. Lors d'une étape de montagne décisive, Landis connaît un terrible jour sans. Il ne peut suivre les meilleurs et se retrouve largement distancé. Mais contre toute attente, le lendemain, il réalise un numéro de soliste incroyable. Il s'échappe sur plus de 100 km et rattrape une partie de son retard. Floyd Landis finira avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Une victoire au panache, formidable. Sauf que, eh oui, sauf que, trois jours après le podium final, l'information tombe. Bonsoir, c'est l'info du jour. Taux anormalement élevé de testostérone. L'information a été officialisée cet après-midi par l'équipe FONAC. Évidemment, c'est un coup de tonnerre dans le monde du cyclisme, car le coureur incriminé, vous l'avez compris, n'est autre que Floyd Landis, le vainqueur du Tour de France. Pour l'Américain, les honneurs n'auront donc duré que quelques jours. C'est à la fois, comment puis-je dire, triste et surtout désespérant. Pour les organisateurs du Tour de France, la nouvelle est fatale. Après Festina en 98, après les 7 années d'Armstrong entouré de soupçons, voilà que son successeur est déclaré dopé dans la foulée de sa victoire. Floyd Landis nie et s'enfonce dans un mensonge mal ficelé. Bah oui, tout le monde n'a pas le talent d'Armstrong. Alors il entame une procédure judiciaire, mais sur ce terrain-là non plus, il ne fait pas d'étincelle et il perd son procès. Le coureur plonge dans une terrible dépression. Mais quelques années après, devant la télévision, une nouvelle inattendue le fait sortir du silence et de l'isolement. Je voulais simplement vous dire qu'après avoir parlé longuement avec mes enfants, ma famille et mes proches, j'ai décidé de revenir dans le peloton professionnel. Fin 2008, trois ans après sa dernière victoire et contre toute attente, Lance Armstrong annonce qu'il sort de sa retraite et se prépare pour le Tour de France de juillet. Mais qu'est-ce qui peut donc le pousser à revenir ? Derrière son téléviseur, Floyd Landis fulmine. Il a été son coéquipier pendant des années. Il l'a vu se doper, l'encourager à en faire de même. Alors pourquoi lui a-t-il été sanctionné et non pas son ancien leader ? Comment expliquer une telle impunité ? Pour Floyd Landis, c'en est trop. Alors il attaque Lance Armstrong en justice et témoigne devant les caméras. En 2010, les équipes du magazine Stade 2 interviewent le coureur repenti. Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO ? Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. Encore une fois, c'était nécessaire parce que si vous vouliez faire une autotransfusion, vous deviez utiliser de l'EPO pour maintenir votre taux sanguin. Et c'était la routine. Donc il n'y avait pas de débat à avoir parce qu'on savait qu'on allait le faire, que ça faisait partie du boulot. Ouais, c'était une chose banale. Par son témoignage, Floyd Landis brise l'omerta du peloton, ce silence assourdissant qui gangrène le cyclisme depuis des années et qui n'a jamais sans doute été aussi fort que sous l'ère Armstrong. Travis Tygart, le directeur de l'USADA, l'agence américaine antidopage, enquête depuis plusieurs années sur Armstrong. Alors il profite de cette voix qui se libère pour encourager les autres coureurs à parler. Et beaucoup passent à table. Livingston, Van der Velde, Hamilton, même George Hincapie, le plus fidèle compagnon de route de Lance Armstrong, témoignent contre lui. De son côté, le coureur américain dénonce les méthodes de l'agence, le profil des anciens coéquipiers pris pour dopage et qui veulent se venger. Surtout, il brandit l'argument imparable. En plus de 300 contrôles, il n'a jamais été positif. Lui. Il est soutenu par l'UCI et notamment son président d'honneur, Hein Verbruggen, qui insiste, Lance Armstrong n'a jamais eu recours au dopage. La pression s'accentue sur l'USADA. Travis Tygart reçoit des menaces de mort. Dans ce climat, l'agence décide de publier le 10 octobre 2012 un extrait de son rapport d'enquête. Autrement dit, Tygart passe à l'offensive. Monsieur Tygart, quelle est la meilleure preuve que l'USADA a sur un Lance Armstrong dopé ? Réellement, toutes les preuves que nous possédons sont convaincantes et accablantes. Nous avons des témoins et des révélations qui n'ont jamais été présentées avant. Désormais, nous avons des preuves formelles. Effectivement, le rapport de plus de 1000 pages de l'agence américaine est accablant. Il décrit l'US Postal comme le plus sophistiqué, le plus efficace et le plus professionnel des systèmes de dopage que le sport ait jamais connu. Y sont décrits des scènes incroyables, comme ce jour de 2005 pendant le Tour de France où le quart de l'équipe US Postal simule une panne pour que les coureurs puissent faire leur transfusion sanguine. Les responsabilités de Johan Brunel, le manager de l'équipe de Lance Armstrong, sont lourdes, très lourdes. Mais le rapport de l'USADA va encore plus loin. Il accuse l'UCI d'avoir protégé Armstrong pendant toutes ces années. Par exemple, le certificat pour la pommade en 1999 était antidaté. Pire, Armstrong a fait plusieurs dons estimés à environ 200 000 dollars à l'UCI, oui, l'Union Cycliste Internationale. Acculé, Armstrong abandonne. Il ne poursuivra pas l'USADA. Pour beaucoup, c'est un premier aveu. Pour Nike, notamment, qui annonce la fin de son partenariat avec le coureur et sa fondation. Petit à petit, tous les sponsors et soutiens de Lance Armstrong prennent leur distance. En une seule journée, il perd 75 millions de dollars de sponsoring. Les regards se tournent alors vers l'UCI, l'instance pointée du doigt. Elle doit prendre une décision quant au titre de l'Américain. Le lundi 23 octobre 2012, une conférence de presse est organisée et Pat McQuaid, le nouveau président, annonce la décision d'instance. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour le cyclisme, car le cyclisme a reçu de nombreux coups après le choc des révélations du dossier de l'USADA. L'UCI a pris la décision de bannir Lance Armstrong de toute compétition cycliste et de lui déchoir ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme. Armstrong, né le 18 septembre 1971 sous le signe de la Vierge, ascendant menteur, ne figure plus sur le palmarès du Tour de France, vierge lui aussi, pour les éditions qui vont de 1999 à 2005, qui n'ont donc pas de vainqueur, à cause de lui, comme si la compétition n'avait pas existé. Armstrong, c'est à lui seul le Tour de France qui rit jaune. Mais cette absence au palmarès témoigne aussi d'une guerre durement menée et finalement gagnée contre le mensonge. Aussi et surtout, elle est le révélateur d'une période noire de l'histoire du cyclisme, peut-être irrattrapable. La mystification Armstrong aura duré 14 ans. 14 ans d'une entreprise complexe, tentaculaire, qui a tenu grâce à la complicité des instances. Car avant les aveux de Lance Armstrong, l'autre grand champion américain, Greg LeMond, exposait lui aussi ses doutes, notamment à travers cette phrase « Si Lance est propre, c'est le plus grand comeback de l'histoire du sport. S'il ne l'est pas, c'en sera la plus grande tricherie. » Malheureusement pour le cyclisme, c'est la seconde hypothèse qui l'a emporté. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Avec notre invité aujourd'hui, Pierre Ballester, journaliste sportif français, notamment à l'équipe jusqu'en 2001. Bonjour. Bonjour. Alors vous intervenez de Strasbourg avec votre collègue britannique, je le rappelle, hein, David Walsh. Vous avez été l'un des premiers à avoir enquêté sur le système Lance Armstrong, notamment dans l'ouvrage « L.A. Confidential, les secrets de Lance Armstrong ». Est-ce que d'abord vous pourriez nous raconter votre première rencontre avec lui, votre première impression ? Avec David Walsh ? Non, je plaisante. Avec Lance Armstrong. Lance Armstrong, je l'ai rencontré. Ça devait être en 1991 sur une course cycliste aux États-Unis qui s'appelait à l'époque le Tour de Trump, le fameux Trump qui se présente à la candidature Donald pour être président des États-Unis. Encore une autre imposture. Et il avait il avait non pas gagné une étape, mais il avait été sur le podium du meilleur jeune sur une étape, et il avait été assez singulier d'entrée de jeu déjà, à l'époque, il était tout jeune, il avait 19 ans, et il avait raconté que, enfin, il remerciait un peu tout le monde, et notamment, il avait mis en avant, là, je tiens à remercier mon chien et ma fiancée. C'est-à-dire qu'il a mis son chien avant sa fiancée, ce qui était assez drôle, évidemment. Et ça mettait en empathie, évidemment, toute la presse, et moi le premier. Et vous êtes dit, celui-là, il a de l'avenir, parce que c'est un bon coureur, de la personnalité, un peu de mauvais goût aussi, au passage, d'ailleurs. Bon, enfin, vous énormément dit... de personnalité. Ouais. D'entrée de jeu, énormément de personnalité, un bulldog, et qui s'intéressait à autre chose que le vélo, que le sport, qui avait vraiment une dimension que je ne connaissait peu dans le monde du sport, à dire vrai, et qui s'est avéré lorsqu'il a eu le cancer, parce qu'il a bel et bien eu un cancer, mais qui a duré que 3 semaines. Et là, effectivement, lorsqu'il m'a reçu chez lui, lorsque je suis venu à l'hôpital pour le voir et tout ça, j'ai vu que c'était un mec qui avait, voilà, une dimension, un aura, un charisme qui n'a jamais été démenti. Alors, vous étiez, ça c'est bon, le côté à la fois sportif et personnel, revenons au sportif, vous étiez présent le jour de sa première grande victoire à Sestrières en 1999. Quel était votre sentiment ce jour-là sportif? Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, celui-là, il va dominer les pelotons pendant des années? Alors, je vous remercie déjà d'avoir réfléchi et tisonné ma mémoire et de la rafraîchi et de revenir de manière très synthétique, bravo à ça, sur les 15 ans, les 15 dernières années de ma vie, et que cette rétrospective effectivement était bravo pour ça. L'un des bémols effectivement, c'était à Sestrières 99, qui était assez symptomatique effectivement, alors qu'il a gagné cette étape. Il n'y avait pas deux camps. Comme vous l'aviez mentionné, il y avait à peu près 1000 journalistes d'un côté qui étaient bravo, qui étaient dans l'admiration, la plus béate, et on était une demi-douzaine à se dire, mais c'est pas possible qu'un cancéreux, 2 ans plus tard, non seulement il recouvre tous ses moyens physiologiques, mais il devient invincible sur le Tour de France. Et le questionnement d'ailleurs du livre Les Confidentiels que vous aviez mentionné tout à l'heure part de ce constat, c'est un constat de journaliste, c'est un questionnement. Alors effectivement, quand même, 1000 d'un côté, 12 de l'autre, ça fait quand même 2 camps, même si c'est complètement déséquilibré. Faisiez partie de ceux qui avaient peut-être tort d'avoir raison trop tôt. Est-ce que vous pouviez, comme ça, laisser paraître publiquement vos doutes, ou est-ce que ça a été compliqué à l'époque, quand tout le monde se dit, oh là, il est formidable ce coureur, puis qu'on commence à dire, oui, mais, c'est ça. Oui, c'était mal, délicat, hein. Surtout, ouais. À l'époque, je travaillais pour le journal L'Équipe, qui est donc le journal organisateur du Tour de France, donc en plus, c'est un petit peu compliqué. Pour autant, je l'ai fait puisque j'avais eu droit à une interview exclusive avec Lance Armstrong en 99, puisque effectivement des rumeurs, des titres à double détente, ambiguës sur sa personne et sur ses performances, voilà, naissaient un petit peu partout. Et il m'avait reçu dans sa chambre et on a eu une explication en tête à tête. Et là, je me suis permis de lui poser des questions que tout le monde se posait. À savoir s'il se dopait. Ah oui. Et j'ai énuméré les produits interdits. Bien évidemment, il m'a répondu par la négative. Et la première personne à m'engueuler le lendemain, lorsque c'est sorti dans L'Équipe, c'était le patron du Tour de France qui m'a dit qu'on n'avait pas le droit de faire des interrogatoires de police avec des gens de légende. Évidemment, c'est le problème du conflit d'intérêts quand un journal est co-organisateur d'une compétition, j'imagine. Bon. Oui, tout à fait. Alors, quand avez-vous commencé à enquêter, vraiment enquêter? On a commencé à enquêter, en fait, après le Tour 2001. Parce qu'il y avait eu le premier, l'effet de surprise, effectivement, en 99, puis 2000, puis 2001. Et il gagnait peu ou prou de la même manière, de manière très insolente, de manière très hautaine, de manière très arrogante. Et c'est David Walsh qui m'a appelé, et je crois que c'était au mois d'août 2001, donc peu après sa 3e victoire, à Lance Armstrong. Et qui m'a dit, mais on ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible, parce que là on tue le sport, on tue l'émotion sportive. C'est en quoi je ne pouvais pas l'en disconvenir. Et donc, voilà, après il s'était allé trouver une maison d'édition qui avait les, comment on appelle ça, les coronets suffisamment épaisses pour nous accorder sa confiance. Et on a travaillé pendant 2 ans et demi pour effectivement réaliser le LA Confidentiel qui est sorti en 2004. Bon, sans lien qui serait de mauvais goût, mais j'avais prévu de vous poser la question. Oui, bien sûr. Son cancer, le cancer de Lance Armstrong, ben, très bien, évidemment, on était tous heureux qu'il s'en sorte comme devant n'importe quel malade, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il a vraiment exploité cette situation, qu'il en a fait un argument sportif, marketing, enfin tout ce qu'il pouvait faire, son image, sa promotion? Le premier mensonge, à mon sens, vient de là. C'est-à-dire que ce cancer était déjà à l'époque le plus curable qu'il soit. C'est-à-dire que tous les oncologues et cancérologues qu'on a pu interviewer après coup, durant notre enquête, nous disaient que ben voilà, c'est un cancer dont on sort très facilement. Le cancer des testicules, je crois, 95%. On a 95% de chances de s'en sortir dès l'instant qu'il est diagnostiqué. Or, ces oncologues, ces cancérologues à lui, disaient que voilà, c'était l'inverse. Il avait 95% de chances de passer l'arme à gauche. Et donc le premier mensonge est né de ce cancer, qui d'ailleurs n'a duré que 3 semaines. Dès l'instant qu'il a fait la première séance de chimiothérapie le 24 octobre 1996, ça c'est à cause de vous, hein, je connais les dates maintenant, les tumeurs, les métastases étaient nécrosées. Les métastases les plus hauts, que ce soit au cerveau, les deux métastases, les deux tumeurs cancéreuses dans le cerveau. Elles étaient nécrosées. Ce qui laisse donc entendre que la chimiothérapie fonctionnait très très bien et que tout était déjà, j'allais dire, les métastases étaient tuées au sein de son organisme. Et donc il était déjà opérationnel pour s'imposer. C'est ce qui arrive d'ailleurs sur le Tour 2015. Il y a eu un coureur cycliste qui a quitté l'épreuve, qui s'appelle Ivan Basso, pour la même maladie, un cancer au testicule, et 3 semaines plus tard, il recourait. Donc, ça a été un instrument marketing, et surtout, ça a été son paravent, c'est-à-dire qu'il a été considéré par les Américains comme un survivant du cancer, et non pas comme un vainqueur du Tour de France. Il avait vaincu la maladie, il avait tué la maladie, il avait été plus fort que la maladie, ça avait été donc Batman, Superman et Spider-Man conjugués, et que ça a été un paravent pour lui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'accuser impunément de dopage, puisqu'il s'appelait, mais quand voulez-vous, regardez, moi, pour moi, la vie compte plus que tout, puisque je donne mon argent, ce qui était faux, à la cause de la lutte contre le cancer. Pierre Ballester, l'autre question que pose le sport dans le haut niveau, c'est le sport amateur, qui peut être contaminé lui aussi, justement. Alors, on va écouter ensemble un reportage. Le reportage de Gaylor Van Wimersch, de l'équipe d'Affaires Sensibles, qui s'est rendu sur une course amateur dimanche dernier à Bello, en Seine-et-Marne. Alors là, nous sommes en division régionale, hein, l'équivalent du deuxième niveau avant les pros. 120 coureurs, une belle bosse à grimper, comme on dit, dans le milieu cycliste, et 90 km sous la pluie, bien sûr. Je rappelle, nous sommes près de Paris. Vous allez voir que pour eux, hein, pour ces cyclistes, l'amateurisme, c'est d'abord une chose sérieuse, et là aussi, on croise le spectre du dopage. Je ne vois pas pourquoi se doper pour aller gagner un bouquet de fleurs et une coupe à 3 ou 4 euros. Je ne parlerai pas de dopage. Pourquoi ? Parce que dans ces cyclistes, on ne dope pas. On peut donner un cheval de trait, on peut le doper, il ne gagnera pas le tiercé. L'image du vélo est pourrie en ce moment grâce à Armstrong, on va dire. 6 jours de course, oui. On y croit, on est confiant. Quel âge vous avez ? 35 ans. Ah, vous faites ça avec un petit pincement, on a l'air de dire c'est la fin un petit peu de l'âge d'or. C'est pas la fin, mais bon, on n'a plus les 25. Et course amateur, où l'enjeu est le même qu'une course professionnelle, parce que là je veux que vous vous préparez, vous avez une tenue de pro, un casque de pro, un vélo qui m'a l'air pas mal, je sais pas si c'est le vôtre celui-là. Pas mal. Dans l'absolu, c'est pas le même enjeu, mais bon, pour nous ça reste un petit enjeu à notre échelle, hein. On va pas se mentir. Bonjour. Quel est votre prénom ? Thomas. C'est qui ? C'est vous, Thomas, ou Fred le plus fort ? On va dire c'est moi, j'ai déjà gagné pas mal de fois cette année. Donc. Là, l'objectif aujourd'hui, alors ? Vu qu'il y a de la pluie, ça risque d'être nerveux. On va essayer d'éviter les chutes, déjà. Après, on est 120 au départ, donc on va voir. Mais quoi qu'il arrive, on sera devant. Là, j'espère que je parle au futur vainqueur de la course. Peut-être, oui. Vous avez quel âge ? J'ai 26 ans. Vous pouvez encore passer pro, là, à 26 ans ? Non, je pense pas. Puis moi, j'ai commencé le vélo il y a que 3 ans, donc là, j'ai une belle progression. L'année prochaine, je vais quand même essayer de monter en division nationale. Et le dopage ? Bon, on essaie de pas trop y penser, même si, même dans le niveau amateur, il y a quand même certaines personnes qui sont suspicieuses, on va dire, entre guillemets. Mais après, dès qu'on est fort, il y a toujours cette image-là. Mais moi, je vois, il y a 2 semaines, avec mon collègue, on fait 1 et 2, on met 3 minutes au peloton. À l'arrivée, il y a des gens qui voulaient boire dans nos bidons pour savoir si on n'était pas dopé, des trucs comme ça. Vous, vous êtes contrôlé, par exemple, à votre niveau de catégorie ? Non, à notre niveau, là, il n'y a pas de contrôle. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours le doute. Et moi, je vois, il y a 2 semaines, il y a un mec, on était 3 devant, le mec, il m'insultait, il voulait me foutre dans le talus parce que je prenais pas autant de relais que lui. Et voilà, en plus, le mec, il bavait, tout ça. Enfin, il y avait quelque chose de pas normal. Et est-ce que vous, on vous a déjà proposé des produits dopants ? Oui, on m'a déjà proposé. Oui. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, départ ! Allez, David ! Messieurs, bonjour. Président du club. Président du club de Meaux. Le SMO. C'est pour ça que vous êtes là sur votre chaise, concentré en bord de route. J'attends mes gars. Et ils j'ai vont mes passer, routes de secours au cas où il y en a un qui crève. J'ai le ravitaillement en eau. Ça y est, Là, il y a les motos qui passent, les voitures et le peloton qui arrive. Voilà, les gars. Allez, Arnaud. Ça fuse, là, ils vont vite, non? Allez, mon Seb, allez, allez. C'est un sport très dur, exigeant, qui demande beaucoup de volonté et de sacrifice. On peut pas se permettre de faire une course cycliste en se couchant à 4h du matin après avoir sorti en boîte de nuit. Dans le football, par exemple, on arrête de courir pendant 30 secondes. C'est pas trop grave. Mais en vélo, si vous arrêtez de pédaler pendant 30 secondes, il n'y a plus personne. Alors, il faut quoi pour être un bon cycliste? Il faut être courageux. Manger des kilomètres, faire des heures de selle. Et vous dites manger des kilomètres. On peut aussi manger autre chose. J'allais vous dire, cyclisme, depuis des années pour les gens... Oui, à partir du dopage. Il y a le dopage. Oui, voilà. Ben, moi, je voudrais savoir si dans les autres sports, il y a du dopage ou pas. Je regarde le tennis, il n'y a pas de dopage. Je regarde l'attention quand je vois comment ils sont bâtis, il n'y a pas de dopage. Le football, il n'y a pas de dopage. Dans le rugby, il n'y a pas de dopage. Il y en a partout. Il faut que les journalistes ils se rendent compte que le dopage n'existe pas que dans le vélo. Et pourquoi vous pensez que c'est ce sport en priorité qui est attaqué? Pourquoi? Parce que c'est médiatisé. Il y a des millions de personnes sur le bord des routes, parce que c'est un sport populaire. Et c'est un sport qui est complètement gratuit. Je ne vois pas pourquoi se doper pour aller gagner un bouquet de fleurs et une coupe à 3 ou 4 euros. Comme je dis toujours, hein, on peut donner un cheval de trait. On peut le doper, il ne gagnera pas le tiercé. Allez, Nicolas, allez ! Oui ! 19, 97, 18, 15, 69, 78, 17, 32, 34, 35. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai crevé. Ah bon, non, j'avais pas de roue de rechange, donc on a arrêté. Comment vous appelez ? Dylan, j'ai 17 ans. Crevé au bout de deux tours, ça fout un peu les boules, quoi. Ouais, c'est une passion depuis petit, et j'ai commencé dès que j'avais 6 ans, donc voilà. Je pourrais pas passer pro, mais c'est encore loin. Et vous, le dopage, par exemple? Bah non, pour l'instant, faut pas me parler du tout. Je vois pas pourquoi je me tricherais, ça marche très bien sans. Il y a des tricheurs partout, de toute façon. On tape dans le cyclisme, mais il y en a partout, donc c'est de l'acharnement qu'on a sur le cyclisme. Vous en parlez entre vous, entre jeunes cyclistes? Non, pas du tout, on parle pas de ça. On vit notre passion, on a pas besoin de ça, donc voilà. C'est votre père, votre entraîneur? Vous êtes... Bonjour. Bonjour. Ça vous fait peur, par exemple, de voir votre fils, si un jour il arrive à gravir les échelons, qui s'est pratique là? Oui. Pour l'instant, je sais qu'il est à l'Auclair, mais bon. Il est à l'Auclair? Oui. Il marche à l'Auclair pour l'instant, oui. L'étape supérieure, après, je sais pas. On a fait Armstrong, oui. Quand on dit que c'est un formidable coureur, moi, je suis pas d'accord. C'est un formidable tricheur. C'est la honte du cyclisme. C'est des choses qu'on a laissé faire parce qu'il a corrompu tout le système. Et puis voilà. C'était avant qu'il fallait réagir, tout le monde le savait. Voilà, reportage de Gaylor Van Wimersch. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Pierre Ballester? Est-ce que Thomas a gagné? Non, je plaisante. Il m'inspire que de... vous savez, c'est la grande inconnue, hein, le sport amateur. Hein. Il n'y a pas ou très, très, très peu de contrôle. Et il y a du dopage, mais il y a du dopage à tous les niveaux des sports amateurs. Vous savez, le vélo a été pris en vindicte populaire. Pourquoi? Parce que dès les premiers contrôles antidopage, on fête ses 50 ans cette année, en 65, c'était le vélo qui a été pris pour cible. C'est un sport d'endurance qui est très ingrat. Et il a concentré sur son nom jusqu'en les années 80, milieu des années 90, 90% des contrôles antidopage. Donc forcément, il y avait plus de chances de trouver effectivement des contrôles positifs dans le vélo qu'ailleurs. Mais chez les amateurs, c'est assez complexe. Hein, c'est très empirique, c'est très anarchique. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas d'encadrement. Donc les types vont voir des gourous. Mais ça va jusqu'aux vétérans, par exemple. Hein, c'est l'espèce humaine qui veut ça. Alors, comment peut réagir l'espèce humaine face à cette histoire à Armstrong? Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrattrapable? Alors pour Armstrong, probablement, on ne va pas le plaindre, mais pour le sport cycliste, est-ce qu'il y a, après tout cela, toujours... Imaginons que le cyclisme soit propre, complètement propre, est-ce qu'il n'aura pas toujours ce risque de soupçon sur lui, sur ce sport-là? Bien évidemment que oui, puisqu'il y a eu une inaction pendant au moins 15 ans, depuis l'affaire Festina, hein, en 1998, rappelez-vous, ce Tour de France. Oui, on avait consacré une émission d'affaires sensibles l'an dernier à cette affaire-là, précisément. Voilà. Et il y aura un soupçon permanent, de toute façon. Regardez Froome. Alors là, il y a des langues qui se délient un peu plus, le coming out se fait un peu plus, l'omerta se fait un petit peu moins. Mais au-delà de ça, le dopage affole tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'il y a un cas de dopage quelque part, les médias, en premier lieu, se jettent là-dessus. Mais l'antidopage n'intéresse foutre personne. Il n'intéresse ni les organisateurs, ni les fédérations internationales. On le voit bien avec l'Union cycliste internationale qui a couvert de manière active, et ça s'apparente à de la corruption, le cas Lance Armstrong. Mais on la voit avec la FIFA, la Fédération Internationale de Football, avec les événements qu'on connaît depuis peu. On le sait avec le dopage dans l'athlétisme et les fédérations russes et kenyanes. Les fédérations internationales elles sont coupables de, non seulement de ne rien faire, mais de couvrir, de camoufler tout ce qui ressort de l'antidopage. Ça ne les intéresse pas, les emmerde. Et pourquoi elles auraient tout à gagner à jouer les mains propres aussi. Ah bon, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ça n'intéresse personne. Qui a intérêt à ce que le dopage soit vaincu? Ça marche très bien comme ça. Regardez le Tour de France. Ils font des chiffres d'affaires colossaux, même si on sait qu'il y a des dopages. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Donc, il y a une perversion dans ce système-là. Et on parle du vélo, mais on parle de tous les sports à échelle internationale. C'est ainsi. Le dopage fait partie du sport de haut niveau, fait partie du secteur professionnel. Personne n'a intérêt à l'endiguer. Il est vérolé, l'émotion est frelatée. C'est pour ça que je me bats, moi. On est plusieurs comme ça. On sait parce que l'émotion sportive, la grande incertitude du sport, voilà, eh bien, elle est vérolée par le dopage. Il n'y a pas d'équité sportive. Et il y a une autre donnée qui est le problème de santé publique. Que deviennent ces sportifs? Que deviennent ces posters qu'on a dans nos chambres une fois qu'ils ont raccroché leur vélo ou leurs gants ou leurs crampons? Que deviennent-ils? Eh bien, pour en avoir fait une petite étude là-dessus, c'est catastrophique, c'est pathétique. Ils sont des états de dépression. États de désœuvrement, ils sont laissés pour compte et c'est assez terrible. C'est assez terrible. Et que pensez-vous de l'attitude de la justice par rapport à cette thématique-là? Est-ce que vous pensez que la justice s'en est emparée suffisamment? Enfin, elle fait ce qu'elle peut avec les éléments qu'elle a aussi, même temps. La justice ne peut s'emparer que... Vous savez, tous les plus gros scandales de dopage sont venus, non pas du monde sportif, mais de l'extérieur, sur une dénonciation... que ce soit justement l'affaire Festina, même Sandstrong, il y a eu des bouquins, certes, mais Floyd Landis, l'affaire Balco, enfin Puerto, qu'importe. C'est pas le monde du sport qui est intervenu. Donc, quand la justice intervient de manière exogène, effectivement, il y a des tribunaux, il y a des décisions de prise, la Juventus de Turin, l'affaire Festina, tout. Mais ceux qui gèrent le sport, qu'il soit national ou mondial, n'ont pas de contre-pouvoir. Vous voyez, pour la télé, il y a le CSA comme organe de contrôle. Pour l'État, il y a le Cour des comptes. Pour le sport, ils sont rien du tout. C'est pour ça que les scandales grossissent et éclatent sur une dénonciation, sur une jalousie. Mmh. Ils éclatent, mais ils se répètent dans le temps. Il se répète, alors ça va du cyclisme, ensuite ça va dans le football, ensuite ça va aller dans l'athlétisme, et ainsi de suite. Parce que les dirigeants sont sans scrupules, sont au-dessus des lois, et ont un sentiment d'impunité et même d'immunité. Quand vous savez que Sepp Blatter, le patron de la FIFA, est reçu comme un chef d'État partout où il passe, vous avez tout compris. La FIFA, le CIO, Comité International Olympique, c'est le Vatican du sport. Quand ils viennent quelque part pour que les Jeux Olympiques soient organisés, pour qu'une Coupe du Monde de football soit organisée, vous comprenez bien que ça ouvre le champ de retombées économiques incroyables et que, bon, on va pas s'emmerder avec une petite épine qui s'appelle le dopage. Alors, comment avez-vous pu travailler dans ces conditions-là, quand on voit à quel point il y a une chape de silence, organisée, quand on est journaliste et qu'on va fouiller là-dedans? J'imagine que ça ne va pas être facile, non? Non, enfin, c'était pas facile au début, puisqu'on a été effectivement traîné dans la boue avec David Walsh. Mais quand vous êtes habité par deux choses, c'est-à-dire la conception du sport, une certaine éthique, une certaine entretenir les valeurs sportives, d'une part, que ce soit le meilleur qui gagne, vous voyez, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu angélique. Et puis la conception du journalisme, ça je vous apprendrai rien, c'est-à-dire que, ben voilà, on est là aussi pour faire savoir, on est des courroies de transmission, voilà, que l'information, qu'elle plaise ou pas, dès l'instant qu'elle est l'émanation d'une forme de vérité, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas la dire. Donc on est fait de ce bois-là avec David Walsh, on l'a été, on nous a battus en brèche, Alain Samson nous a intenté des procès à coût de 2 millions d'euros demandés et tout ça. Qu'importe, nous avons une conviction et on s'y tient, et on se battra pour. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Pierre Valester. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Lance Armstrong, une émission que vous pouvez réécouter cette nuit à 1h et en podcast, bien sûr, et là, quand vous voulez, sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée au cinéaste Jacques Tati.